violence. Ça va de pair. Les deux se balancent. Paradis, enfer. Ma colombe, ma cocotte, si la vallée sanglote. La vraie vie, la belle. Ah, et bien, qu'on s'y frotte. Ma colombe, ma cocotte. Des vallées ont des charmes. No.